dans ce monde. Un homme seul, c'est rien. Et y a pas d'autre monde, y a que celui-ci. Ça me saoule d'homme le veto. J'préfère t'écuver chez WAM. Écrire pour oublier que je suis déçu et que j'ai mal. Être heureux c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Pourtant sur trois chemins combien on perd une pédale. Et j'ai peur de me perdre gros. J'm'agrippe, j'prends le mic. Une pensée pour ce parti trop tôt. Au parti manque de chatte, du mal à trouver le sommeil. J'dors peu, j'dors peu. Mais vu mes idées sombres, comprends que mes nuits sont pas si blanches que ça. Putain, j'ai trop fait de pitre. Même si dans ma vie le décor est triste, frérot, j'la compare à une belle image grise. Écorché vif, mec, t'imagines. Hier je voulais m'ouvrir aux gens, maintenant j'attends que mes plaies cicatrisent. Ouais gros, on blesse ceux qu'on aime. C'est pas dans les concerts, mais dans le cœur de nos proches qu'on fout le bug son merde. L'impression que seul mon verre me comprend. Y'a comme un parfum d'hiver quand les problèmes tombent comme des flocons de neige. Là c'est d'attendre notre tour. Tu te feras briser la mâchoire à vouloir tendre l'autre joue. Je suis enclin à être un solitaire, entre bien et mal. Moi je fais le grand écart comme Johnny Cage. Malgré mes trous de mémoire, je suis pas encore sénile. J'aurais pu jouer dans Hellraiser, je suis un écorché vif. Stopper les festivités, ça sent le sapin mais c'est pas Noël. Normal de l'avoir mauvaise. Empêtré dans les entrailles de Babylone. Il serait peut-être temps d'enfiler ma camisole. J'ai appris que les sentiments nous rendent faibles. À moins d'être un Winchester, je ne m'évaderai pas de l'enfer. Mes erreurs, je les perpétue. Espérer la salvation me semble peine perdue. À la surface, les péchés remontent. À force, je finirai dans la merde à faire chier le monde. L'ambiance est terne, faut que ça bouge. 1, 2, 1, 2. J'en demande pas beaucoup, il me suffira de plein de un peu. Je vous laisse aguicher, j'ai choisi entre être et faire envie. Le futur appartient à ceux qui restent en vie. Vif, écorché, vulnérable. Je sais pas si c'était le cas, mais là c'est réglé. On n'est plus aimable, j'attends des sourires à mes funérailles. L'encre coule, s'il faut aller jusqu'au navire, je reviendrai armé d'une épave, ma belle. Au resto touche pas ma salade verte. J'attends toujours la sonnerie quand je dis qu'il y a du taf à l'appel. En mode même ma boue est cool. J'aurais beau être le plus doux et tous, je veux bien prendre le temps mais dis-moi on peut le trouver où hein. Et si je manque d'élégance, j'étais entraîné mais on m'a engrainé sans traîner en fainéant. Pas d'ineptie, je vais pas maquiller l'idée. Je me tais, y a une différence entre ne pas dire et tricher. Je reste à l'affût quand tu me sors tes disquettes. Dans ma parano je suis entre Hitchcock et Spielberg. À deux pas de l'argile, je peux plus supporter le système. Fuck les Schmitt, je suis en écorché vif frère. Quand on me trahit, j'ai l'impression d'être mitraillé. Harry t'excite pas, j'aime entendre l'ennemi brailler. Tous à fleur de peau, on a l'esprit d'équipe fanée. J'peux pas cacher mon mal-être sans les petits smileys. Yo, dans mon cerveau, c'est Sarajevo. Croise les frères en CLM, CLM, ça va Rayo. Si l'amour s'achète, Shaitan te rend la Nemo. Mal rasé, moral à zéro. J'aimerais t'ambiancer gros, mais j'ai pas les mots. Du rire aux larmes, sentimental à l'extrême. T'as ressenti ma détresse, marche le regard dans les Air Max, merde. Pas le cœur à la fête quand j'suis un type terre. Y'a que Michael pour te faire danser en cimetière. J'ai vu un autre monde. Quelquefois je me dis que je l'ai seulement imaginé. Ouais. Là vous avez vu des choses que je verrai jamais.